Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux, les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation, les complots d'État. Bob vous dit toute la vérité. Du lundi au vendredi, 21h minuit. Et profitez-en jusqu'au 16 septembre. L'accès à cette web radio est totalement gratuit, libre. Après, seuls les abonnés pourront y avoir accès, tout comme au podcast. Dans tous les cas, il va y avoir très prochainement de multiples propositions d'abonnement à 1 an, à 3 mois, à 1 mois, à 1 jour. Et puis, la possibilité pour ceux qui ne veulent pas s'abonner du tout de s'offrir les podcasts. Donc, soyez attentifs. Logging et mot de passe ont commencé à être envoyés. Regardez également vos spams parce que ça peut arriver. Vous savez, Internet, c'est pas une science exacte. Dans tous les cas, ça nous permet d'aller dans le monde entier et on va aller dans quelques instants de l'autre côté de la planète pour retrouver Richard Glenn. Que pouvons-nous dire de nos facultés, de nos pouvoirs psioniques? Je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais pas non plus. Mais on va tout savoir avec Richard, spécialiste de ses pouvoirs. Salut Richard. Oui, bonjour Bob. Comment ça va? Bravo pour la nouvelle saison. Alors, je suis content de participer déjà à votre première saison, votre deuxième saison, la nouvelle. Ouais, on est ravis de t'accueillir, Richard, parce que c'est vrai qu'on s'est parlé par Skype. Hein. J'ai vu que sur ton site Ésotérisme Expérimental, tu avais posté notre entretien, et nous, on l'a mis également sur le Facebook, en lien, et sur le site également bob-toutelavérité.fr. On s'est parlé dimanche, tu t'es abonné en direct, donc c'était génial. Un beau geste. Mmh. C'est tout juste, et j'ai pas mis l'hymne canadien, tu vois. Dans tous les cas, on va évoquer ce soir, Richard, parce que tu as ta porte ouverte ici, bien sûr, et tu as ton assiette à la table. On va évoquer ces pouvoirs psioniques. Qu'est-ce qu'un pouvoir psionique au départ, Richard? Ben, c'est sûr, Bob, j'essaie de vous apporter un contenu, du matériel exceptionnel qu'on n'entend pas tous les jours. C'est sûr. Et le pouvoir psionique, c'est un sujet qu'on traite régulièrement dans le domaine de la parapsychologie. Vous avez déjà entendu parler des gens qui ont des facultés psy. Il y a des fois qu'il y a des calculateurs prodiges, qu'il y a des gens qui ont des dons exceptionnels de reproduire en dessin un paysage qu'ils ont vu qu'une seule fois. Mmh. Bon, alors, ces pouvoirs qui semblent au-delà de la normale, vraiment, c'est très, très, très exceptionnel, ce qu'on appelle les pouvoirs psioniques. Mm-hmm. On comprend qu'avec le psionique, on fait affaire au psy ou psychique, mm-hmm. à la psyché. Alors, ces êtres-là, c'est au-delà de simplement une simple télépathie ou une simple précognition, avoir l'impression qu'on sent des événements arriver ou on a une vision à distance de quelque chose. Mm. Non, c'est des gens qui ont, en général, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais moi, la fenêtre est ouverte ici, puis il y a un orage terrible actuellement ici au Québec. Non. Et ça cadre parfaitement au sujet, puisque pensez à Yuri Geller. Ça vous dit quelque chose? Celui qui tordait les cuillères par la force de sa pensée. Oui, bien sûr. On a eu Jean-Pierre Girard ici en France, hein, qui faisait la même chose. Et voilà, et Jean-Pierre Girard, que j'ai reçu sur mon émission, a aussi vécu le même phénomène lors d'un orage. Il a été frappé par la foudre. Ah oui. Alors, voyez-vous, il y a eu le film Phenomenon, je ne sais pas comment ça s'est traduit, Phénomène, je pense. Oui, c'est ça, mais je me souviens de ce film-là, oui. Oui, avec Travolta. Oui. À un moment donné, il y a comme une espèce de lumière qui est dans le ciel, puis tout d'un coup, whoop, il y a un rayon qui vient le frapper. Mm. Yuri Geller a dit la même chose, il était sur une plage d'Israël lorsqu'il était tout jeune, puis à un moment donné, il y a eu un objet volant non identifié qui est venu avec un rayon le frapper. Et dès lors, ils ont des facultés paranormales. Il y a des gens qui vivent le NDE, la Near Death Experience, là, la mort imminente, et d'un coup, ils reviennent, et ils ont des facultés paranormales, mais exacerbées, là, pas simplement comme tout le monde, à l'occasion. Non, non, ça devient comme incroyable. Il y a des gens qui vont approcher leur main d'un objet en métal, pouf, l'objet en métal leur bondit dans la main. Ouais. Alors, c'est un signe que dans leur corps physique, il s'est passé une transformation majeure. Et si ça s'est transformé lors d'un choc électrique à des personnes qui ne s'y attendaient pas, ça veut dire que ces facultés-là sont latentes dans tous les êtres humains. Et on n'est pas pour dire aux gens, bon, ben maintenant, on va s'installer sur un endroit pour se faire frapper par la foudre au cas où, tout d'un coup, on développerait des facultés psy. Mmh. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Bob. Oui. C'est particulier, c'est spécial, mais je pense que beaucoup de gens sont fascinés et aimeraient avoir de l'information à ce sujet-là. Bien sûr, mais ce qui est dramatique, tu l'as souligné, c'est qu'il faut être frappé par la foudre ou avoir vécu un cataclysme de vie hein, pour pouvoir développer ces choses-là. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'on arrivera un jour à les développer sans avoir vécu ces cataclysmes? Déjà, Je vous amène, Bob, sur une piste périlleuse. Ouais. Nous vivons une expérience de choc électrique à chaque fois qu'on a un orgasme sexuel. Ah, c'est pour ça, merde. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir les doigts dans la prise. Non, mais c'est qu'à ce moment-là, il se passe dans notre corps physique un choc qui passe, vous le savez comme moi, le moment de l'orgasme, de la jouissance totale, ouais. Il se passe un courant électrique à travers tout le système nerveux, autant de l'homme que de la femme, si elle parvient à ce qu'on appelle le septième ciel. Mm-hmm. Et en Orient, on va appeler ça le maïtouna, c'est-à-dire l'extase sexuelle qui est provoquée par une montée de kundalini. Et la kundalini, c'est ce qu'on appellera la colonne vertébrale. Ouais. Et vous avez reçu un invité qui, enfin, nous a parlé de Star Wars il n'y a pas longtemps. Oui, Paul George Hansonetti. Oui, et il a dit que le mot Jedi vient de Jed en Égypte. Il se trouve être une colonne qui contient, on pourrait le dire, quand on regarde nos poteaux électriques, un isolant à un endroit. Ouais. Et c'est une tour, une colonne. Et il dit, pour l'être humain, c'est sa colonne vertébrale. Ouais. Et dit qu'il y a deux tubes, deux fils qui passent dans la colonne qu'on appelle Ida et Pingala et qui partent de la base de la zone sexuelle et qui montent jusqu'au cerveau. On dira que c'est comme un servant qui est lové, qui est entouré sur lui-même et qui se développe un peu comme le naja lorsque les charmeurs de serpents avec leur flûte, là, ils font monter le serpent, là, et ça monte jusqu'au cerveau. Et on sait que quelqu'un qui a une sexualité débridée peut devenir fou. Par contre, s'il apprend à gérer l'énergie sexuelle convenablement et ne pas la réprimer comme la plupart des religions le font, eh bien à ce moment-là, il va développer dans sa tête une capacité psychique énorme et qui va atteindre l'endroit majeur, le centre de contrôle de ces capacités psychiques, c'est la glande pinéale. Qu'on va appeler le troisième œil. Mmh. Et curieusement, actuellement, un peu partout dans le monde, je ne sais pas chez vous si c'est la même chose, on met du fluor dans l'eau potable, soi-disant, pour éviter la carie dentaire. Ah non, je ne savais pas ça. Non, mais je sais qu'on a des on dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de caries. Les dentistes passent un produit sur les dents et les caries n'existent plus. Mais je ne savais pas qu'on mettait ça dans la flotte. Hein, donc. Ah ben, ici, là, chez nous, c'est le débat social important parce qu'il y a des villes qui l'imposent à leurs concitoyens, d'autres qui disent on refuse parce que les citoyens sont j'allais dire clairvoyants, là, on peut en parler de pouvoir psy, mais non, c'est parce qu'ils se disent, écoute, le fluor est utilisé pour amoindrir les capacités cérébrales d'un individu. Mm-hmm. On propose de mettre ça dans l'eau potable, lorsqu'on fait des patates bouillies dans l'eau, les patates deviennent comme des éponges, elles absorbent le contenu du fluor. Ben ouais. Le fluor s'en va dans les patates, on mange des pommes de terre et on ingurgite en plus du fluor, non seulement pour contre la carie dentaire, mais à tout moment et pour toutes sortes de raisons inutiles. Mais alors, c'est ça, c'est que le fluor va aller se fixer sur la glande pinéale et va l'atrophier, va la calcifier et en peu de temps, en peu d'années, on dira sur 5 ans, 10 ans, les personnes perdent leur capacité psy. Alors, on ne veut pas que les gens aient des capacités psy. Imaginez, là, les gens qui ont des capacités psy, c'est des gens qui sont capables de ressentir les gens à distance. Ils sont mauvais. Il y a des idées pas tellement bonnes. Alors, ou il y a un événement qui s'en vient majeur, ou ils ont des rêves prémonitoires, ils ont des rêves qui leur rappellent des choses qui s'en viennent. Vous avez reçu Xavier Garnier-Mallet, qui lui-même nous explique... Jean-Pierre Garnier-Mallet. Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre, c'est bien, merci. Ben oui, c'est pour vous dire que le temps est relatif. Et pourquoi? Pour ceux qui utilisent leur côté psy. Et là, on va dire que si un jour vous recevez le physicien qui vient, il est de Paris d'ailleurs, il est français, il s'appelle Emmanuel Ransford. Et il nous a donné 3 heures d'entrevue pour nous donner tout en détail la démarche de la science de pointe qu'on va appeler la physique quantique. Et je l'ai amené à nous parler des fameux phénomènes psy, puisque lui-même a étudié dans un de ses derniers livres, il mentionne Jean-Pierre Petit, pas Jean-Pierre Petit, Jean-Pierre Girard. Oui. Oui. Et d'ailleurs, on les appelle les effets G, parce que t'as Girard, t'as Geller. Il y en a plusieurs que ça commence par la lettre G. Et il y a le point G aussi, hein. Vous le connaissez, Richard. Ben voilà, mon cher Bob. Je t'ai trouvé tout de suite. Voilà. Et puis il y a le Richard Glenn aussi, avec un G, hein. Donc voilà, donc fatalement. Hein. Pardon ? Eh oui. Bon, ouais. Et donc, vous avez réussi en 3 heures à comprendre, en tout cas, grâce à lui, toute cette, ce qu'on appelle la physique quantique ? Bon, après notre entretien de dimanche dernier devant le public, je recevais ce monsieur Emmanuel Ransford, et il a réussi à résumer en 1 heure. Ouais. Toute la démarche pour la meilleure compréhension, et j'ai des gens qui sont venus me voir en disant « Enfin, je comprends la physique quantique. » Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, c'est spécial. Hein. Et on pourrait le faire très rapidement juste pour ouvrir le dossier, mais je n'irai pas en détail comme le physicien le fera avec vous sûrement, parce qu'il est vraiment compétent. Moi, je ne suis pas un physicien, je suis un ésotériste de formation journaliste et de formation psychologique. Alors Richard, on va marquer une petite pause, la première dans notre entretien, on se retrouvera dans un instant. Si vous voulez en savoir plus sur les pouvoirs psioniques, la lévitation, l'ubiquité, le don d'ubiquité, le voyage astral, la vision à distance qu'on appelle remote viewing, c'est peut-être ça aussi, les pouvoirs psioniques. Est-ce qu'on peut les développer? Est-ce que tout le monde a des pouvoirs psioniques? Comment peut-on découvrir que l'on en a? Y a-t-il des dangers? D'où ça vient? Donnez-nous, bien sûr, vos sentiments là-dessus sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook qui est à votre disposition. Bob vous dit toutelavérité.fr. Ou encore, vous avez, bien sûr, le hashtag Bob Vérité, les Twitter ou Modias Bob Vérité. On marque une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Richard Glenn. Tous les soirs sur le net, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur ce que l'on nous cache depuis bien longtemps. Bob vous dit toute la vérité de 21h à minuit. Pas de foot, pas de cul, quoique avec Richard Glenn, parfois la pente est un peu glissante. N'est-ce pas Richard, hein ? On aime bien quand même parler du 7e ciel, et c'est vrai qu'on s'est aperçu finalement que l'orgasme était électrique et qu'il se passait des choses dans notre corps et notamment dans notre colonne vertébrale, et c'est ce qui m'amène à revenir à ces sujets et à ces pouvoirs psioniques. Alors Richard, est-ce que tout le monde peut avoir des pouvoirs psioniques ? Je disais tout à l'heure, juste avant la pause musicale, que les pouvoirs psioniques, c'est la lévitation, c'est le don d'ubiquité, c'est aussi vivre le voyage astral, la vision à distance. D'ailleurs, il y a une question qui est arrivée sur le Facebook qui est très intéressante, parce qu'on a souvent parlé de remote viewing au sein des services secrets, ouais, et notamment de la CIA. Vous êtes au courant de tout cela ? Oui, évidemment. Angus Swan, entre autres, aux États-Unis, a participé très souvent à développer des pouvoirs psioniques, à détecter les jeunes qui avaient déjà des pouvoirs psioniques. Et on pourrait dire que la Troisième Guerre mondiale est entreprise depuis fort longtemps. Déjà dans les années 60, on utilisait des gens qui étaient capables de faire de la vision à distance, du remote viewing. D'ailleurs, Jacques Vallée, dont vous parlez régulièrement, en psychologie, est très connu, et il a effectivement étudié, évolué beaucoup dans le dossier depuis les débuts, et il est allé étudier à fond le remote viewing pendant des années. Oui. Encore une fois, les gens contactés par le phénomène extraterrestre reviennent très souvent de leur expérience avec la capacité psionique qui est multiplié par 10. Comme je disais, tout le monde a en latence le pouvoir psionique, comme tout le monde a des mains pour jouer au piano. Mm-hmm. Pour jouer, il pourrait jouer au piano, tout le monde, mais pas tout le monde qui est virtuose. Hein. Mm-hmm. Et en plus d'être virtuose, ça prend de la pratique, ça prend de l'entraînement, ça prend de l'encouragement des parents du milieu, et ça prend, on dirait, un don presque inné. Ceux-là, ce sont des prodiges. Et à ce moment-là, il suffit juste de pousser, de leur donner l'occasion de se développer, et à un moment donné, on s'apercevra qu'ils deviennent extrêmement rares. Et dans les domaines de militaires, on sait très bien qu'on utilise aujourd'hui des drones, des appareils qu'on envoie à distance sans pilote, mais contrôlés à distance avec des caméras. C'est un peu comme des jeux vidéo, et il y a des gens dans des laboratoires, dans des tours de contrôle qui dirige le fameux drone. Alors imaginez qu'au lieu d'un drone avec une hélice ou des moteurs à réaction, c'est quelqu'un qui est couché dans son lit et il projette sa conscience, son esprit, son double, il l'envoie à distance et il va observer. On s'en est servi pour sortir l'ambassade américaine à Téhéran, vous vous souvenez peut-être de l'événement, et par des remote viewers, on était capable de voir les plans de l'endroit où ils étaient retenus prisonniers, de geôliers, et lorsqu'on a fait la descente pour aller les sauver, on savait exactement où aller. Comment? Simplement par des drones humains, des drones psy, qui étaient allés voir où c'était les choses. Et actuellement, il y a des choses. Quand on a voulu attraper Saddam Hussein, on s'est servi de plusieurs remote viewers qui étaient capables de dire, bon, ben, il est dans une bâtisse à un étage seulement, le deuxième étage est comme une tourelle, vous le trouverez dans le sous-sol. Et effectivement, ils ont trouvé Saddam Hussein. Alors, je ne parle pas de Ben Laden, là, mais Saddam Hussein à la guerre d'Irak. Ils l'avaient trouvé exactement dans l'endroit, exactement le dessin qui avait été fait par les mode viewers. Ouais, je me souviens aussi qu'on avait parlé durant la guerre froide que certains visualisateurs à distance étaient envoyés dans les sous-marins russes par les Américains pour voir un petit peu la technologie, etc. Oui, et des Russes ont fait la même chose contre les Américains. Ben, j'imagine, oui. Et ils étaient capables d'ailleurs de suivre, moi j'en connais parce qu'on a étudié sur ces cas-là, on avait quelqu'un qui informait l'armée, qui était amené dans l'armée ici canadienne et américaine, ils sont intimement liés ces deux-là, pour suivre le fameux Octobre Rouge. Ah ouais, il y a eu un film d'ailleurs avec Sean Connery, hein, c'est ça? Exactement. Alors oui, à distance. Et imaginez quand ça peut aller encore plus loin. Ben là, on va rentrer dans les pouvoirs psioniques poussés. Parce que les pouvoirs psioniques, c'est des pouvoirs psy, paranormaux, comme on dira, et qui vont encore plus loin. On va avoir des gens qui sont capables d'agir sur la pensée d'autorité en pouvoir et à distance. Alors, on peut les brouiller dans leur tête, qui ne sont plus capables de se concentrer dans leurs idées. C'est déjà une chose simple. Nous, on a un sport national qu'on appelle le hockey. Tout le monde le hockey. Et on avait, à l'époque de la guerre froide, comme vous le disiez tantôt, des compétitions extrêmement courues quand c'était les Russes contre les Américains ou contre les Canadiens, les équipes canadiennes. Et curieusement, il est arrivé un moment où les équipes avaient de la misère à battre les Russes, parce qu'on avait compris que les Russes avaient très bien appris leur leçon. Et aujourd'hui, on engage souvent des gens de l'Est dans les équipes américaines, tellement ils sont performants. Oui, bien sûr. Ils ont appris, c'est sûr, sur le terrain. Mais les Canadiens demeuraient très, très bons. Et pourtant, dans des parties de hockey de ces compétitions-là, limite, là, où c'était une question d'honneur national, comment ça se fait qu'ils jouaient tout croche, ils jouaient sans concentration, les passes n'étaient pas précises. Et on a fait la découverte qu'ils utilisaient les ELF, Extreme Low Frequency, que les Russes avaient des casques blindés avec une couche de plomb qui les protège, et les Canadiens n'avaient pas de couche de plomb. Alors les ELF Extreme Low Frequency, des ondes extrêmement basses qui rejoignent à peu près la fréquence des ondes du cerveau. Parce que le cerveau, c'est un émetteur. Hein, c'est un émetteur, c'est la pensée est émise comme une station de radio. C'est des ondes. Et on a deux lobes. On a un lobe droit et un lobe gauche. Et on a appris ce qu'étaient les fameuses ondes scalaires. Et des ondes scalaires sont capables d'agir à distance. On peut les provoquer, les ondes scalaires. On a qu'à utiliser un émetteur qui émet sur une onde longitudinale pendant que l'autre émet sur une onde verticale. Et ces deux ondes-là font, lors de la jonction des ondes, on appelle ça les ondes d'interférence, elles sont capables d'agir sur des objets et les pousser, les enlever, les déplacer, ou même, un peu comme Jean-Pierre Girard, lorsqu'il fait simplement passer la main au-dessus d'une barre d'aluminium qui servait à la construction du Concorde, extrêmement léger, mais extrêmement rigide. Et pourtant, la barre d'aluminium était placée dans un tube de verre scellé, donc il ne pouvait pas toucher à la barre d'aluminium, mais en plaçant la main et en circulant la main au-dessus de la barre d'aluminium, l'effluve qui sort de sa main affecte les particules de la barre extrêmement rigide, solide, et elle courbe, elle plie, elle ramollit légèrement. Et c'est d'ailleurs disponible sur Internet, les gens iront voir sur YouTube, là, les expériences faites par Jean-Pierre Girard, et j'ai reçu le scientifique qui l'accompagnait, le docteur Jean Dirkens. Et on a compris. Moi, Jean-Pierre Girard, je l'ai reçu, je lui ai demandé, vous savez, un peu comme moi, là, que si on veut avancer dans les connaissances, il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut poser les bonnes questions, même si elles peuvent être troublantes. Et je demandais à Jean-Pierre Girard, alors, la sexualité dans tout ça. Il me répond, M. Glenn, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Cela dit, je l'ai reçu aussi, Jean-Pierre Girard, il était chaud bouillant, hein, quand même, ce soir-là. Hein. Ah oui, bravo. Mais est-ce que vous êtes allé sur la piste de la sexualité, de l'énergie sexuelle? Non, pas du tout. Mais non, c'est ça. Des fois, là, à cause de tout le contexte et les complexes, parce qu'on dit, hein, il y a trois réalités dans notre univers. Hein. Il y a l'infiniment grand, ouais. Il y a l'infiniment petit, et ouais. Au milieu des deux, il y a l'être humain qui est l'infiniment complexé. Non, et on dit plutôt l'infiniment complexe. C'est ça. Mais c'est que, justement, Jean-Pierre, il dit, lorsqu'on on procède, je le sens. Ça vient, ça s'en vient et ça va arriver et il est capable de dire à quel moment donné il va provoquer un effet PK de psychokinèse. Parce que c'est comme la montée d'un orgasme. C'est ça. Et le sang, ça augmente et à un moment donné, pouf, et ça arrive et ça agit sur la matière. Alors vous imaginez, s'il fallait qu'on ait la liberté de compréhension de toutes nos capacités humaines, on aurait des pouvoirs. Ben oui. On aurait des capacités. Et c'est ça qui dérange les autorités religieuses autrefois, évidemment. Et aujourd'hui, si vous êtes capable d'ouvrir un coffre-fort par la force de la pensée. C'est énorme. Ben oui, mais tout ça, c'est un potentiel réel qui existe dans tous les êtres humains. Alors justement, parce que c'est la question que je vais vous poser juste après ça. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Oui, la question que je vous pose, bien sûr, c'est celle-ci, c'est est-ce que, puisqu'on l'a tous en nous, ce pouvoir psionique, est-ce qu'on peut le développer? Comment peut-on le développer? Ah bon, vous faites un peu comme si c'était la question qui tue. Hein, ben oui, parce que moi, vous me faites un peu saliver, vous voyez. Je dirais même, pour revenir un peu à votre parallèle sexuel, vous me faites bander avec ces pouvoirs psioniques, oui. Parce que j'adorerais pouvoir avoir tout cela, aller me balader ailleurs, vous voyez, c'est énorme comme pouvoir. Bon, il y a deux principes. Le premier, c'est que lorsqu'on n'utilise pas un instrument, il finit par rouiller et dans le biologique, ben il va s'atrophier puis il ne servira plus. Alors les gens qui faisaient un nœud dans le système sexuel, résultat, c'est qu'avec les années, ils finissaient par ne plus avoir aucune énergie dans ce sens-là. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Que ce soit une castration physique ou que ce soit la castration psychologique, finalement, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est rouillé, ça bande plus, ça marche plus. Ouais. Bon, et d'autre part, l'extrême contraire, c'est-à-dire s'envoyer en l'air régulièrement, il y a des animaux qui le font quand on leur donne certaines drogues, à un moment donné, ils reviennent fous. Alors, il faut avoir un juste milieu, un équilibre dans tout ça. Mais on sait que dans le tantrisme, entre autres, qui est une technique sexuelle orientale, qui aborde la sexualité, mais vraiment de front, là, sans préjugés ni tabous, on comprend que c'est une des plus grandes sciences de l'être humain. Écoutez, dans la vie de tous les jours, on dit qu'un homme normal pense à l'acte sexuel ou à la sexualité 30 fois par jour. Ouais, et encore, ouais. Vous êtes au Canada. En France, c'est beaucoup plus. Hein. C'est moi, j'ai eu des études ici qui m'ont montré, mais genre, c'était 70 à 120, énorme, à 150 fois par jour. Mais c'était juste hallucinant. Je crois que c'était 3 minutes, 10 minutes par heure. Enfin, c'est juste incroyable. Ouais. L'homme, je parle pas de la femme, hein, mais l'homme est complètement conditionné par cela. Ben oui, et il faut qu'il soit capable justement de maintenir cette énergie. Ouais. Et vous le savez comme moi, ça monte à la tête. Hein? Ouais, bien sûr. Et ben c'est ça, c'est exactement ça. Et ça atteindra le centre de la tête, au centre de la tête, alors qu'il n'y a pas un côté gauche et un côté droit comme on a pour les oreilles. Les yeux, on est tout en double. Non, la glande pinéale est en plein centre. Elle est en plein centre et il n'y a qu'une glande pinéale. Elle ressemble un peu à une cocotte de pain. Et elle était très... on la retrouve sur des temples sumériens, on la retrouve en Égypte, on la retrouve même au Vatican. Ouais. La fameuse cocotte de pain, au bout de bâton, on voit des cocottes de pain sur des pieds du lit. Il y a des sculptures, souvent, on voit une cocotte de pain. Mm-hmm. Parce qu'elle ressemble à la cocotte de pain de la glande pinéale, mais c'est tout petit, là, c'est gros comme une fève. Mm-hmm. Et il ne faut pas la laisser se calcifier, premièrement. Il faut la nourrir. Et comment la nourrir? Bien, justement, par la sexualité, en envoyant des effluves souvent, régulièrement. Et on apprend dans le tantrisme à faire une rétention séminale, c'est-à-dire d'éviter d'éjaculer et de perdre. Et là, tout retombe. L'énergie tombe à zéro. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, de maîtriser, finalement, l'énergie sexuelle, c'est ça? Exactement. La maîtriser, la contrôler, et à volonté, et je vous le disais, si jamais vous retrouvez encore Jean-Pierre Girard, posez-lui la question, parce que c'est beau avoir des pouvoirs psy, Mais comment fait-il, et s'il ne nous donne pas le secret, parce que c'est là qu'est tout le secret, pourquoi c'est le secret? Parce que c'est ce qu'on secrète. Ah, c'est ce qu'on secrète. D'accord. Ben oui, le secret, c'est ce qu'on secrète. Mmh. Et ça, on ne l'étale pas sur la place publique parce qu'on se dit, ça peut avoir un mauvais côté. Hein? Mmh. Vous avez vu dans la série Star Wars, la force, que la force soit avec toi. Mmh. Et à un moment donné, on se rend compte que la force peut être mal utilisée. C'est sombre, the dark side of the force. Alors, voilà. Alors, si on se lance dans le début de la découverte moderne, par les physiciens, physique quantique. Ben, mon ami, vous vous souvenez, Bob, on s'était parlé de COP15. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Et ça fait tout un tapage parce que COP15, c'était la rencontre en décembre 2009 des autorités du monde, qui n'étaient pas seulement des politiciens, mais il y avait des hommes en pouvoir qui étaient invités à une rencontre avec le phénomène extraterrestre à Copenhague. Mm-hmm. Et COP15. Ben, figurez-vous que le fameux Copenhague revient quand on parle de physique quantique. Ah. Puisqu'on l'a appelé l'école de Copenhague entre 1920 et 1930. Les grands pontifs de la science à l'époque, il y avait Albert Einstein, évidemment, Max Born, je les nomme comme ça, Niels Bohr, Heisenberg. Tous ces personnages se rencontraient à Copenhague et discutaient des termes en rapport avec la physique quantique. Mm-hmm. Entre vous et moi, là, on ne va pas dire quantique. Hein. J'entends des Français ou des gens là, qui ne savent pas s'ils doivent prononcer quantique ou quantique, parce que ça s'écrit comme quantique. Q-A-N-T-I-Q-E. La physique quantique, parce qu'en effet, c'est des quantités. Mais en dehors du terme quantique, on va l'appeler quantique. Pourquoi d'accord. Quantique? Comme quand on dit un aquarium, on ne va pas dire un acarium, là. Parce qu'on se dit, ça vient du grec ou du latin, aqua qui veut dire l'eau, aquarium. Mais vous avez bien fait de me le dire, parce que moi je suis le premier à dire la physique quantique. Hein, donc voilà, donc je dirai la prochaine fois la physique quantique. Oui, ça vient du terme quanta, quantum. Alors le terme latin, quanta. Oui. Alors voilà, on va garder la même prononciation que pour le mot aquarium. Sans ça, les gens ne savent plus quand on dit quantique, ce qui veut dire le champ, là. C'est oui, oui. Mais en même temps, vous rappelez la série Le Code Quantum aussi. Ah, il y avait Code Quantum aussi. Ah, c'était, ouais. Ouais, ça revenait de c'est la même quantum. Étymologie au d'accord, départ. D'accord. Non, mais j'ai compris. La physique quantique, c'est premier, Richard, je ne ferai plus l'erreur. Écoutez, c'est comme l'aquarium. Oui, c'est quelqu'un ça. Quelqu'un vous reprend en disant non, c'est quantique. Mais non, mais aquarium, vous ne dites pas acarium. Mm-hmm. Aquarium pour les poissons. Mm-hmm. Alors donc, à cette époque-là, à Copenhague, encore une fois, on revient à Copenhague, ben oui, il y avait des réunions des scientifiques qui faisaient ce qu'on a appelé finalement l'école Copenhague. L'école de Copenhague. On a découvert que lorsque une particule est observée par un instrument dans un laboratoire, elle ne se comporte pas de la même façon que si elle n'est pas observée. Mmh. Un peu comme quelqu'un, je ne sais pas, lorsqu'on dit à quelqu'un, bon, veux-tu, tu vas marcher, on va te filmer avec des caméras de télévision, il y a 6 millions de personnes qui vont te regarder marcher, on te filme, dirige-toi d'ici à là-bas, puis dépose l'objet sur la table là-bas. Je vous jure, quand on sait qu'on est filmé, avec l'habitude, on finit par se comporter de manière normale, mais quand on prend des gens qui n'ont pas l'habitude d'être filmés, je vous dis, ils se mettent à marcher tout croche, les pattes serrées. Ils savent plus marcher, ils savent plus marcher, c'est vrai. Ouais, le simple fait de sentir qu'on est observé, on a plus le même comportement. Bon. Bien sûr. Donc ça, c'est une observation que les scientifiques ont remarquée. Lorsqu'un objet est observé par un instrument quelconque, la particule subatomique, parce que quand on parle de physique quantique, on parle des particules qui composent les atomes. Parfois, atomos, ça voulait dire insécable. On a découvert qu'on pouvait séparer les atomes, la preuve, les bombes atomiques. Ouais. Il y a les électrons, les protons, les neutrons. Oui, mais les électrons ne sont pas sécables. On ne peut pas couper un électron en deux. On ne peut pas dire un photon et demi. C'est un photon, deux photons, 10 photons. Particules lumineuses. Alors, les particules quantiques, les particules subatomiques, elles sont insécables et elles changent. Mm-hmm. Si elles sont observées de particules corpusculaires matérielles à devenir des particules ondulatoires, elles ne sont plus des particules, elles deviennent des ondes. D'accord. C'est très étrange, mais c'est toujours comme ça. Alors, c'est une des premières constatations des physiciens quantiques. La deuxième constatation, c'est qu'il y a un changement d'état subi sans transition Autrement dit, si je vous disais, vous êtes à Paris présentement et vous êtes à Montréal, pouf, vous êtes à Montréal. Et vous n'êtes pas passé par-dessus l'Atlantique pour arriver à Montréal. Vous allez dire, mais non, ça ne tient pas debout. Il faut qu'on se déplace dans l'espace pour arriver d'un lieu à un autre lieu. Les particules subatomiques sont dans un endroit, apparaissent dans un nouvel endroit, et c'est la même particule instantanément, peu importe les distances. Alors ça, c'est le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'on peut être à deux endroits différents, au même instant, c'est ça? Ben voilà, vous commencez déjà à faire le pont, et c'est à ça que j'ai amené M. Ransford dimanche dernier, dans la rencontre avec Emmanuel Ransford. Je l'ai amené, on parle plus de physique quantique, on va parler des phénomènes psy, ben oui, qui s'expliquent tous par la physique quantique, puisqu'on est composé nous-mêmes des atomes, ben oui, et des particules subatomiques. Ben oui. Donc, si nos composants ont ces capacités, ces facultés-là, la plus forte raison, l'être entier a les mêmes facultés au départ. Ben oui, parce qu'on est tous constitués d'atomes, et si on arrive à mettre deux atomes à deux endroits différents, pourquoi pas nous, c'est vrai. Ben voilà, et on appelle la troisième constatation des physiciens quantiques, il y en avait trois, la troisième constatation, c'est la loi d'incertitude, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, vous vous souvenez certainement de la phrase d'Albert Einstein qui disait « Dieu joue au dé ». Non, Dieu ne joue pas au dé. Et c'est là que Niels Bohr lui a dit « Hey, one minute, là, tu ne diras pas à Dieu ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Mm. » Pourquoi? Parce qu'une particule, lorsqu'on émet des particules subatomiques simultanément, oui, par une fission atomique, les deux photons partent. Un peut être dans une direction, l'autre s'en va à l'autre bout de l'univers à la vitesse de la lumière. Évidemment, c'est une particule quantique, c'est un photon. À la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, il est parti. Mm-hmm. Et on a découvert, en les analysant, en leur donnant pas le temps d'aller très très loin, mais on s'aperçoit que ces deux particules qui sont nées de la même expérience restent liées. On appelle ça de l'intrication, de l'enchevêtrement. Si une prend une décision, l'autre prend la décision complémentaire. Un peu comme un couple, finalement. L'homme et la femme, qui sont faites pour être un dans une direction et l'autre pour être face à face. La main droite, la main gauche arrivent face à face. Alors, ce qu'on retrouve dans ces constatations des physiciens quantiques, c'est finalement la base même de ce que sont les fameuses facultés psy, les fameuses facultés psioniques, celles qui sont mises à l'extrême de nos pouvoirs. D'accord. Alors, évidemment, je vous invite à inviter M. Emmanuel Ransford, physicien. Vous avez les coordonnées pour le rejoindre à Paris. Ouais. On va le faire très prochainement, Richard, c'est promis, parce que ça m'a mis l'eau à la bouche. Alors, on va marquer une autre petite pause ici même, dans Bob vous dit toute la vérité, puis on continuera ce voyage au cœur de ces pouvoirs psioniques et de ce que l'on peut en faire véritablement, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce dangereux? Est-ce qu'il y a des dangers avec ces pouvoirs psioniques? C'est la question que je vous poserai dans un instant, Richard. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Excellente soirée, merci d'être avec nous, change rien, on est proche de minuit déjà. Et pour arriver tranquillement à minuit, nous allons retrouver Richard Glenn. Nous parlons d'un dossier assez intéressant ce soir, des pouvoirs psioniques et qui ont un rapport obligatoire avec la physique quantique. C'est Richard qui nous le dit. Alors, la question que je vous posais tout à l'heure, ils sont fascinants ces pouvoirs, Richard. C'est vrai que on aimerait tous les posséder, ces pouvoirs psioniques, mais est-ce qu'il y a un danger à les posséder? Un peu comme posséder une arme à feu, posséder un potentiel extrêmement puissant, ça peut être excellent pour se protéger de l'ennemi, pour se sortir d'un mauvais pas dans des situations de la vie périlleuses, mais ça peut être aussi utilisé à des fins négatives. Un peu comme dans Star Wars, là, la force noire, la force utilisée de mauvais escient, ça peut être dangereux. Même que quelqu'un qui a des pouvoirs psioniques a intérêt à ne pas le montrer, à ne pas le démontrer, parce que d'abord, il y a des gens qui seront jaloux autour et qui profiteront de l'occasion pour le dénigrer, le ridiculiser. Mmh. Et celui qui est différent du troupeau, là, tout de suite, là, pouf, on l'abat. Celui qui sort du moule dérange la foule. On dit ça, une formule. Celui qui sort du moule dérange la foule. Une des caractéristiques de celui qui possède, ou celle qui possède, parce que ma compagne, elle me dit, écoute, c'est juste une affaire de gars, les pouvoirs psioniques. J'ai dit, ben écoute, les femmes aussi ont une glande pinéale. Donc, ça peut s'activer, évidemment, par la sexualité autant que l'homme. Sauf que la femme et l'homme sont différents et sont complémentaires. qu'il n'y aura jamais un homme qui va donner naissance à des enfants, à des bébés. Ouais. Elle porte des ovules, l'homme porte des spermatozoïdes. Mmh. Il faut comprendre que dans l'énergie, il y a un qui donne, l'autre qui reçoit, un qui part à l'aventure pour à la quête ou à la conquête et l'autre qui attend à la maison pour recevoir et nourrir le poupon. Le rôle des deux n'est pas le même, il est complémentaire. Mm-hmm. Dans l'énergie psionique, on s'en rend compte, si on parle des bébés, justement, on prend un enfant dans nos bras et le bébé se met à pleurer. Il y a des bébés comme ça qui ressentent l'énergie d'une personne, ils ne sont pas capables. Et avec d'autres, c'est le contraire. Vous le prenez, ou même un animal, vous prenez un chat ou un chien dans vos bras, mm-hmm. et tout d'un coup, ça prend pas de temps, l'animal s'endort, il est tranquille, il est bien avec vous. C'est que vous possédez dans votre corps physique des particules qu'on va appeler des somatides, si on parle à la manière de Gaston Nassens, qui est un médecin qui a développé ce qu'on appelle le somatoscope, qui permet avec un microscope qu'il a mis au point avec des champs magnétiques très puissants, d'être capable d'aller voir dans les 150 angstroms 30 000 fois de grossissement au lieu d'un microscope ordinaire optique qui va jusqu'à 1800 fois seulement. Gaston Nassens a développé une technique, une science très particulière d'aller observer dans le sang humain mm-hmm. Ce que lui appelle les somatides, que Wilhelm Reich, qui lui aussi a été mis au banc de la société parce qu'il a développé une science de la sexualité qui dérangeait évidemment les bons penseurs religieux de l'époque. Comme d'habitude, oui, c'est ça. Oui, 40-60. Et Wilhelm Reich, lui, au lieu d'appeler des somatides, il les appelait des chloridiniens. Mais là, quand je vous dis le mot chloridinien de Wilhelm Reich, vous avez peut-être entendu parler dans Star Wars, La Guerre des Étoiles, des chloridiens. Ah, non, je me souviens pas, non. Mais sûrement. Les midi-chloriens. Les midi-chloriens. Il parlait des midi-chloriens. Ouais. Hein? Et lorsque on regarde, d'après George Lucas, là, qui a développé toute la saga Star Wars, et vous l'avez vu avec votre invité, Sansoletti, mm-hmm. à quel point tout a été pensé dans les moindres détails. Hein, vous avez dit, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, en fait. Exactement. Et quand on sait le rôle, la quantité de midi-chloriens mm-hmm. que, mettons, avait, je vais prendre ici, Obi-Wan Kenobi, 13 400 midi-chloriens par partie par million. Ouais. Okay, 13 400. Obi-Wan Kenobi. Darth Vader, allons-y. Palpatine. Vous connaissez un peu ça. Oui, bien sûr. C'est l'autre méchant, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Alors, on disait tantôt qu'Obi-Wan en avait 13 400. Palpatine, 20 000. Ah. Alors, il était à très grande capacité psionique. C'est pour ça qu'il se battait aussi, il n'avait pas besoin d'épée au laser, lui. Ben oui. Avec ses mains, puis il envoyait des énergies comme ça. Alors, vous allez me demander, oui, mais Anakin Skywalker, celui qui est devenu Darth Vader, ben lui, c'est 27 700 midi-chloriens partis par million. Ben oui, on le voit bien dans Star Wars, on voit bien que dès qu'il commence à penser, il fait plier n'importe qui face à lui, quoi. Exactement. Mmh. Et vous vous souvenez, dans l'épisode numéro 1, donc celui qui a été présenté au public en quatrième, numéro 1, la menace fantôme. Ouais. Là, c'est là qu'il retrouve l'enfant, Anakin Skywalker, qui est tout jeune, qui est en train de préparer son pod là, pour les pod racers. Là. Et il demande à sa mère, Qui-Gon Jinn demande à sa mère, Shmi, mais votre enfant semble être spécial. Elle dit oui, puis il est toujours solitaire, il est très, très rapide, il comprend très vite. Il a fait lui-même son fameux robot R2-D2. C'est lui qui l'a fabriqué. Ouais. Bon, à un moment donné, il lui fait une prise de sang en prétendant simplement qu'il voulait être sûr qu'il n'avait pas été contaminé, l'enfant. Il lui fait une prise de sang alors que le petit est supposé aller se coucher. Bon, et là, il envoie la prise de sang au laboratoire, dans le vaisseau. Ouais. Et dans le vaisseau, on l'analyse. Et là, c'est là que Obi-Wan Kenobi capote et dit, écoute, c'est incroyable, là, la quantité de midi-chloriens que cet enfant-là possède en lui. Ça va faire un être exceptionnel. 27 000 midi-chloriens partis par million. Et vous savez que les fameux sabres laser, pour les Star Wars, au centre, ce qui fait fonctionner le sabre laser, c'est un cristal. Et le cristal doit être choisi par le Jedi. Ouais. Jedi, on s'en souvient, ça vient de Jed, qui est une colonne électrique en Égypte. Et le Jedi, C'est la colonne vertébrale du Jedi, du chevalier Jedi, le chevalier. Et c'est un cristal qu'on met au milieu. Et ce cristal qui est au milieu et qui est activé par la personne lorsqu'il fait des expériences sexuelles. C'est très lié, la sexualité, avec les pouvoirs, avec l'énergie psy et avec le psionique. Alors maintenant qu'on a fait cette première étape, je pense que c'est clair. Ah oui, c'est très très clair. Mais c'est un sujet que la plupart des gens n'osent pas aborder parce que, tu sais, on se dit, c'est un tabou. Bon. Alors, allons-y maintenant à fond dans les pouvoirs psioniques. Alors, si on parle de la clairsentience, vous savez venir un événement, vous êtes capable de modifier la ligne de temps. Mm-hmm. Avec Garnier Mallet, vous l'avez appris, on peut changer la piste de temps. Mm-hmm. Vous êtes capable de changer la ligne de temps. Vous avez un problème de moteur qui fonctionne mal. Mm-hmm. Vous allez être capable à distance d'aller trouver où est le problème et le régler à distance. Mm-hmm. Il y a Grigory Petrovitch Grobovoy en Russie qui a été utilisé très souvent dans les laboratoires pour aller régler des problèmes dans les Soyouz. Ouais. C'était l'espace en orbite. Mm-hmm. Et il n'avait pas encore la possibilité de sortir à l'extérieur pour faire des réparations. Ah. Et ce monsieur-là, en laboratoire en Russie, à Baïkonour ou ailleurs, il était capable de se projeter à distance, d'aller trouver, analyser, découvrir le problème, et plus encore, d'aller le régler à distance. C'est incroyable parce que finalement, ces gens-là deviennent une arme redoutable. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire, ils peuvent agir à distance sur n'importe quoi. Bon, alors vous comprenez que des gars comme Grigory Petrovitch Grobovoy en Russie, tant qu'il est réglo, tant qu'il remplit la commande que les autorités lui demandent, tout va bien. Mmh. Il est sous surveillance continuelle. Bien sûr. Et le jour où on commence à se rendre compte qu'il est prêt à passer dans le camp adverse... Mmh. Ben on va l'éliminer. Ouais, j'imagine, oui, qu'ils sont sous pression, ces mecs-là. C'est-à-dire que il faut qu'ils regardent toujours derrière eux. Hein. C'est ça. Mmh. À 360 degrés. Et c'est ça le problème. Quand vous me dites, est-ce qu'il y a un danger, il y a double danger. Le danger qu'il vire mal, il utilise ses pouvoirs pour faire du négatif. Bien sûr. Ou alors que des gens autour de lui ne veuillent pas qu'il soit libre d'utiliser ses capacités, ses pouvoirs, ou alors ils vont agir tout simplement sur son cerveau avec des drogues. Les psychotiques, là, les antipsychotiques, là, les drogues, des gens qui disent qu'ils entendent des voix, des gens qui disent qu'ils voient des fantômes, là, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont fous. On les rentre dans des hospices, on les bourre de drogue pour justement annihiler leur capacité psy. Parce que ces gens-là ne sont pas tous des fous. Hein. C'est des gens qui sont réellement capables d'entendre et de voir des choses. Mm-hmm. Et on pense que, c'est des cinglés. Non, c'est des gens qui ont un pouvoir. Et il y a une époque très ancienne sur Terre, hein, l'être humain avait ces capacités-là. Quand on dit qu'à l'époque du paradis terrestre, on communiquait avec les animaux, on communiquait avec la nature. Les animaux, il y a des animaux qui sont capables de télépathie. On a fait des expériences où le chien revient devant la porte de la maison à telle heure le jour parce qu'on sait que son maître va revenir du bureau et il l'attend. Il l'attend parce qu'il sait que c'est l'heure où il va revenir. Et on a fait l'expérience avec certains animaux très, semble-t-il, télépathes et on dit au maître, tu vas partir 2 heures plus tôt du bureau. Mmh. Ben, curieusement, le chien, ça va se placer 2 heures plus tôt à la porte. Il l'attend parce qu'il sait qu'il s'en vient. Ouais, on en avait parlé avec Eric Pigani ici, justement, de Psychologie Magazine, de cette télépathie animale et de ce ressenti animal. Ça, ce sont donc des pouvoirs psioniques que développés par le chien aussi. Ben oui, ben, c'est psionique, on va dire psy. Parce que quand on dit psionique, on pense d'ailleurs au terme psychotronique. Mm-hmm. On parle de. Encore, là. Psychotronique, c'est. Tu ajoutes des instruments sur quelqu'un. Alors, à partir du moment où il y a des instruments sur lui, il va courir plus vite. Ouais. Il va avoir plus de force parce qu'il y a un bras électronique avec lui, des choses comme ça. Ouais. La question qu'on pourrait me poser aussi, Bob, c'est est-ce qu'il y a une différence entre la magie et les pouvoirs psioniques? Ouais. Alors, avec toute l'explication que j'ai donnée, je pense qu'on comprend que le pouvoir psionique, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière, alors que dans la magie, vous êtes toujours obligé d'avoir un artefact extérieur, que ce soit un rituel magique, que ce soit des gris-gris, là, des pentacles, des dessins, des formules magiques. Mmh. Pour faire de la magie, ça prend un outil extérieur. Mmh. Alors que le pouvoir psionique, tout est dans l'être humain, qui contrôle son esprit, qu'il a développé et qu'il sait manipuler et agir consciemment. Alors, Richard, on est malheureusement presque au terme de cet entretien passionnant. Je voulais juste dire Est-ce que je pourrais dire, Bob, que sur le site d'ésotérisme expérimental, oui. Vous êtes d'accord sur l'annonce? Bien sûr. Je débute des cours parce que quand j'ai quitté la télévision ici au Québec pour me lancer sur Internet, comme j'avais fait il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, j'ai eu une transition des cours que j'ai appelés des cours Jedi dans l'école Jedi, T-J-E-D-I. Ouais, je le vois parce que je suis sur votre page là et je vois, j'ai cliqué sur école Jedi. Voilà. Oui, ben c'est ça. Alors, et vous avez d'ailleurs le terme psionique là. Ouais. Nul n'est censé s'ignorer, c'est ce qui a marqué en premier. Oui, et quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, vous savez. Bien sûr, hein. Ouais, mais avant tout, c'est que nul n'est censé s'ignorer. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est la vieille formule ésotérique ancienne. Alors, je vous invite à aller sur notre site. Cet automne, on va donner... Puis d'ailleurs, déjà, il y a plusieurs dizaines de pages complètes sur les pouvoirs psioniques, un peu ce qu'on vient de se dire, mais là, je l'ai fait en condensé, et je pense expliquer assez clairement qu'un pouvoir psionique, c'est un peu comme de la parapsychologie, c'est un peu comme, on retrouve dans Star Wars les chevaliers Jedi, des pouvoirs de l'esprit sont à la portée de tous, mais danger, autant pour l'opérateur que pour celui qui en est témoin, ça peut tourner contre soi. Alors, c'est mieux de garder le silence quand on dit « celui qui sait, se tait ». Ouais. En tout cas, Richard, je voulais vous remercier parce qu'encore une fois, c'était clair. Vous m'avez montré la voie, vous m'avez allumé la lumière au fond du couloir sur ces pouvoirs psioniques. C'était encore très, très intéressant. Et je voulais vous remercier parce que je sais que vous soutenez cette web radio. On a fait plusieurs Skype parties ensemble, plusieurs conférences. Vous êtes derrière nous, on le sait, et on est ravis de pouvoir continuer à échanger vos informations et nos informations. En tout cas, vous êtes comme d'habitude le bienvenu et je pense qu'on aura l'occasion encore une fois de se retrouver durant cette saison 2 de Bob vous dit toute la vérité. Merci Bob de m'accueillir et merci pour le public du Québec qui se sent avec vous chez lui aussi à ce site de Bob vous dit toute la vérité et que la force soit avec vous. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux, les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation, les complots d'État. Bob vous dit toute la vérité. Du lundi au vendredi, 21h minuit.